Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Séverine ou le cri du peuple. Quand en 1883, Caroline Rémy se met à écrire, encouragée par le communard Jules Vallès, elle fait comme beaucoup de femmes écrivains du 19e siècle, elle signe ses articles d'un pseudonyme masculin, Séverin. Ça fait plus sérieux. Mais rapidement, poussée sans doute par la fierté de son sexe et le désir d'en découdre, pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes, Séverin devient Séverine. Première femme en France à gagner sa vie comme journaliste, la première aussi un jour à diriger un grand quotidien, Le Cri du Peuple, Séverine doit toute sa vie faire face aux attaques dont elle est l'objet, même de la part de ses amis socialistes et libertaires. Cette protégée de Jules Vallès n'était-elle pas sa maîtresse ? Jalouse de son indépendance de pensée, mais également de celle de ses adversaires politiques, Séverine, qui aime passionnément la vie et l'amour, sera aussi jusqu'à sa mort une infatigable combattante des injustices. Elle qui écrit « Avec les humbles, je suis toujours ». France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Laurence Ducousseau-Lacaze et Sophie Moussianès, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux professeures agrégées de lettres modernes et vous venez de postfacer un recueil de textes, des articles de Séverine. Il y en a beaucoup, donc j'imagine qu'il a dû falloir faire un gros tri. Ce recueil s'appelle « L'insurgé », il est publié aux éditions L'Échappée. Et vous êtes co-présidente des Amis de Séverine. C'est une association que vous avez donc créée ? Tout à fait. Laurence Ducousseau-Lacaze. Oui, c'est une association qui est jeune encore, hein, puisque nous l'avons créée en juillet 2021. Et l'idée, c'est vraiment de faire connaître, redécouvrir cette femme qui a été, comme vous l'avez dit, la première journaliste en fait professionnelle. Et ce qui nous a séduit également chez elle, c'est sa façon d'écrire, parce que c'est une plume. Et donc, on s'est dit que il fallait refaire découvrir son patrimoine à la fois matériel, ses articles, quoi, sa maison aussi, et donc son patrimoine matériel et immatériel. Sophie Moussianès, à quoi ça sert une association comme ça ? Alors, une association de ce type a pour objectif de permettre effectivement de faire connaître au grand public cette journaliste qui est une pionnière du journalisme, parce que elle est connue finalement de, j'ai envie de dire, de gens qui sont des spécialistes de la presse, éventuellement des chercheurs, des universitaires, mais elle n'est absolument pas connue du grand public. Nous avons aussi un intérêt à essayer de la faire redécouvrir sur le terrain, c'est-à-dire à Pierrefonds, en l'occurrence, où elle Pierrefonds, a fini ses jours. C'était sa maison, absolument, dans l'Oise. Voilà, où il y a sa maison qui existe toujours. Donc c'est aussi un objectif qui est général par rapport à un large public. Et puis au niveau local, parce que ça a été aussi une célébrité non seulement nationale, mais locale. Il y a une démarche féministe aussi là-dedans. Bien parce entendu. Que Séverine était très connue dans les années 70, au moment du féminisme des années 70. Elle est retombée dans l'oubli et elle est ressortie après MeToo. Oui, et puis c'est l'idée de faire redécouvrir cette femme qui, comme de nombreuses femmes, est passée aux trappes de l'histoire, en fait. Notre idée, elle est, oui, il y a une démarche qui est féministe, et en plus, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, elle a mené des combats qui aujourd'hui ne nous laisse pas indifférents ni indifférentes. Alors, Séverine a vécu relativement longtemps, elle est née en 1855, morte en 1929. J'aimerais que vous nous rappeliez un peu quelle a été sa vie finalement avant 1885, au moment justement où commence l'histoire que je vais raconter dans un instant. Cela fait 2 ans qu'avec Jules Vallès, elle a créé le journal Le Cri du Peuple. 1885, c'est aussi l'année de la mort de Jules Vallès. Séverine a 30 ans. D'où vient-elle? Par quel chemin est-elle devenue journaliste? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Séverine naît dans un milieu de la petite bourgeoisie. Son père était inspecteur des nourrices. Et en fait, à 17 ans, 2 choix lui sont proposés. Soit de se marier, soit de devenir institutrice. Et elle va se marier croyant que ça va être une possibilité d'avoir une certaine indépendance et d'échapper à son milieu. Sauf que elle va vite déchanter et qu'elle va vivre notamment sa nuit de noces comme un viol. Donc elle va se séparer assez rapidement de son premier mari, dont elle est enceinte, mais le divorce n'étant pas autorisé, elle va se séparer de lui sans divorcer. Et elle va vivre avec un autre homme, Adrien Guébard, et quand elle sera enceinte de lui, elle devra aller accoucher à Bruxelles, parce qu'elle est toujours une femme mariée. Tout à fait. Et c'est justement parce qu'elle doit aller accoucher à Bruxelles de façon clandestine, c'est à cette occasion qu'elle va rencontrer Jules Vallès. On est en 1879. Qui est Jules Vallès? Pourquoi cet homme est-il si important dans la vie de Séverine? Alors Jules Vallès, c'est évidemment l'héritage de la Commune. Il est à Bruxelles puisqu'il est sous l'effet d'une condamnation et donc il n'a plus le droit de rester en France. C'est ses textes communards qui était déjà lui-même directeur de journal, qui est aussi un auteur, un écrivain. Et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé du côté du combat pour le peuple, pour les ouvriers. C'est un homme qui est profondément attaché à des valeurs de gauche, socialiste. Et quand il rencontre Séverine, ce sont deux univers absolument opposés qui se rencontrent, puisque déjà en termes d'âge, lui c'est un homme âgé déjà, et Séverine est une très jeune femme. Et puis en termes de milieu aussi, puisqu'effectivement elle vient d'une petite bourgeoisie de fonctionnaires finalement, alors que Vallès, c'est un homme politique engagé. Il lui fait confiance, il lui donne envie aussi de devenir journaliste. C'est alors, lui qui absolument. Va... Et en fait, il lui apprend à écrire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va lui donner en particulier des articles, ses propres articles à corriger, y compris des épreuves de ses ouvrages. Il ne manque pas d'être sévère à son égard, par rapport à son style, pour vraiment lui apprendre à bien écrire. C'est comme ça qu'elle décide de devenir journaliste contre l'avis de sa famille. Et ensemble, ils vont créer donc en 1883 le quotidien Le Cri du Peuple. Laurence Ducoussot-Lacaze et Sophie Mucianez, je propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Séverine ou Le Cri du Peuple, un texte de Tadi McNamara, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. Voilà 5 jours, je ne suis pas venue. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Le journal, l'hôtel Colbert, mon vrai chez moi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps loin d'ici. Jules Guesde essaie de m'écarter du journal. J'ai bien vu. Dans le communiqué qu'il a publié hier, mon nom n'était pas dans la liste des rédacteurs. Aussi longtemps que Vallès était en vie et que je transmettais ses instructions, j'avais du pouvoir auprès d'eux. Désormais, je vais devoir me battre. Je ne suis plus la petite bourgeoise ignare, Caroline Rémy, mais Séverine, journaliste, directrice de journal, collaboratrice du grand Vallès. Jules Guesde ne pense qu'à sa doctrine, ses idées, mais pas aux gens. Plutôt mourir que de laisser me prendre le cri du peuple. Mais qu'est-ce que tu fais là, allongée par terre? Oh. Madame Séverine. Je dormais. Je dormais un peu, faut dire. J'ai commencé tôt ma journée ce matin. Vous nous avez manqué avec les gars. Merci. T'as bien vendu déjà ? Oui, j'ai tout vendu. J'ai dû reprendre un lot. Oh. Elles étaient bien, les funérailles de Monsieur Vallès. Il paraît qu'il y avait plus de 2000 personnes dans le cortège. Oui, c'est vrai. Alors c'est vous la patronne maintenant ? Ou c'est Monsieur Guedes ? Disons que c'est nous deux. Je préférerais que ce soit vous. Bon. J'y retourne. Paris, 1885, dans le deuxième arrondissement, ce quartier de la presse très animé qu'on appelle la République du Croissant. C'est là que 2 ans plus tôt, Séverine a créé le Cri du Peuple avec Jules Vallès. Depuis, le journal est devenu un des plus grands quotidiens de gauche de Paris, tirant en moyenne à plus de 14 000 exemplaires. Lorsque Jules Vallès est mort le 14 février 1885, au Cri du Peuple, la lutte pour la succession était immédiatement ouverte. Séverine doit affronter Jules Guedes, redoutable marxiste et débatteur hors pair, très populaire au sein de la rédaction. Séverine, une magnifique rousse aux yeux bleus pervenches, prend son courage à deux mains et monte au dernier étage de l'hôtel Colbert, là où est installée la salle de rédaction du Cri du Peuple. D'abord, on arrête les faits divers. On ne peut pas continuer à courir après le petit journal. Et puis, il y a trop de feuilletons. Dès qu'on a fini le bachelier, on passe à autre chose. Massard, Duquercy. Ils sont tous là. Je sais déjà comment ils vont réagir quand ils me verront arriver. Que diriez-vous d'un article sur nos amis les socialistes allemands ? Séverine, entrez donc. N'arrêtez pas la réunion pour moi. On attend encore Jules Guedes pour vraiment commencer. Alors j'attendrai avec vous. Reprenez donc où vous en étiez. Alors, bien. Jules Ferry veut expulser les socialistes allemands. Oui, il n'a pas supporté de voir les drapeaux rouges aux obsèques de Vallès. Massard, pourquoi est-ce que mon nom n'est pas sur la liste des rédacteurs ? Il vaut mieux que vous en parliez à Guedes. Il finit son éditorial. Je vais lui parler. Guedes n'aime pas trop qu'on le dérange quand il écrit. C'est ce que nous allons voir. Ah. Séverine, quel plaisir. Je me disais bien qu'il y avait une voix de femme. Guedes, j'ai lu le communiqué dans le journal de ce matin. Oui, tout le monde reste en place, rien ne change. On reprend comme avant. C'est ce que Vallès aurait voulu. Comme avant. Mais je ne suis pas sur la liste. Mais vous faites partie de la direction et non de la rédaction, Séverine. Vous, vous superviserez les opérations, aux côtés de votre conjoint. Comment va ce cher docteur Guébard ? Je suis journaliste, pas femme au foyer. Je veux ma chronique Guedes, les notes d'une Parisienne. C'est accordé. Enfin, je veux dire, tout ce que vous voulez, vous êtes ici chez vous. Je veux qu'on publie un nouveau communiqué, que l'on m'intègre à l'équipe de la rédaction. Impossible. Vous imaginez l'effet que cela aurait ? On croira que le journal se déchire sur la place publique. Vallès se retournerait dans sa tombe. Non, nous devons rester soudés. Hein ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si. Parfait, parfait. Je suis heureux que nous soyons toujours de si bons amis. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai un éditorial à finir. Il faut qu'on parle plus du capital et des forces de production. Et n'oubliez pas les gens qui dorment dehors. Guedes ! Je suis encore la directrice du journal. Bien, bien. Bon, on va reprendre. Continuez sans moi. J'ai rendez-vous. Séverine sort de la salle de rédaction et descend l'escalier. Pendant les grands froids d'hiver, des vagabonds viennent se réfugier à l'hôtel Colbert. Dans l'ombre des paliers, Séverine aperçoit des silhouettes maigres d'hommes et de femmes. Elle leur donne quelques pièces. Ce sont des naufragés. Des naufragés de la misère parisienne. Et moi, c'est pour ces miséreux, ces pauvres gens que je me bats. Et pour le journal. La lutte ne fait que commencer. Journal d'idées et de combats, le Cri du Peuple est engagé aux côtés des ouvriers et de la lutte sociale, avec comme cible de prédilection les abus policiers et la politique d'expansion coloniale du président du Conseil, Jules Ferry. Séverine s'en prend aussi aux députés, coupables à ses yeux de voter les crédits pour financer la guerre. Séverine a été mariée à 16 ans à un homme brutal que lui avait imposé son père. Le divorce n'étant pas légal, elle est restée son épouse. Mais depuis les années 1870, Séverine partage sa vie avec le docteur Adrien Guébard. Ensemble, ils ont eu un fils qui vit chez sa grand-mère dans le Midi. Très attachée à Adrien Guébard, Séverine n'est pas pour autant amoureuse. Elle continue de rêver à un amour sincère, quasi mystique, avec un homme où il serait sur un parfait pied d'égalité. Séverine entre au Café Américain. Les journalistes s'y retrouvent pour siroter un verre d'absinthe ou de punch. Familière du lieu, Séverine s'installe à une table. Elle est la seule femme au milieu de tous ces hommes. Elle a un rendez-vous. Ah, Baudin, vous, comment osez-vous mettre les pieds ici? J'ai lu ce que vous avez écrit dans votre torchon. Tenez. Oh! Non mais, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Vous aurez de mes nouvelles, la Bruyère. Je vous enverrai mes témoins. En attendant qu'ils arrivent, tenez, voilà sa sœur. Vous me le paierez cher. Très cher. Pardon, une petite affaire à régler. Puis-je? Eh bien, quelle scène! Asseyez-vous, monsieur. Georges de La Bruyère de l'Écho de Paris. C'est un réel honneur de vous rencontrer, Séverine. Également. Vous allez vous battre en duel? Le temps de régler deux ou trois détails. Comme je vous envie, vous les hommes, de pouvoir vous battre. Non, cela nous est interdit. Un scandale. D'autant que vous, une directrice de journal, vous devez avoir votre lot de bisbilles. Ah, si vous saviez. Alors, vous souhaitez écrire un article sur Vallès pour l'Écho? Pas sur Vallès. Sur vous. Moi? Oui. Le titre, ce serait « L'ami de Vallès ». Finalement, le grand public ne sait pas grand-chose de vous. Oui, c'est drôle, mais... Bon, pourquoi pas? Vous pourriez parler de ma rencontre avec Vallès à Bruxelles. De notre combat pour une vraie république démocratique et sociale. Qu'est-ce que vous en dites? Que vous voulez écrire l'article à ma place? Non, pardon, déformation professionnelle. Alors, je pensais commencer par quelques mots sur votre ligne. Ma ligne? Ma ligne éditoriale? Ah non, votre ligne. Svelte et onduleuse, et vos cheveux soyeux. Quoi? Bah, vous ressemblez à Jane Harding. Mais qui c'est celle-là? Une actrice. En ce moment, elle se produit au Gymnase Parisien. Je suis journaliste, pas actrice au théâtre. Justement, il faut qu'on fasse de vous un personnage et qu'on donne au public l'envie de vous connaître. Pouvez-vous me rappeler quelle est votre fonction exacte à l'Écho de Paris? La chronique théâtre. Mais j'ai aussi fait des reportages de terrain en Tunisie. Et j'ai beaucoup... Il y a de toute évidence un malentendu. Je suis venue pour parler politique, pas des actrices à la mode. Attendez, c'est vrai que je n'ai pas d'éducation politique, mais je connais mon métier. Aujourd'hui, c'est la mode des reportages à l'américaine. Il faut divertir le lecteur. Que voulez-vous dire? D'abord, on la pâte, puis on l'apprivoise, puis bim, on l'assomme. Et là, on lui fait passer tout ce qu'on veut. Pas très honnête, tout ça. Je suis journaliste, pas prêtre. À la fin de l'article, vous pourriez noter que je suis l'unique héritière de Vallès. Bah oui. Et que mon journal ne sera jamais inféodé aux diverses factions du socialisme. Vous voulez que je vous dicte? Décidément, vous voulez écrire à ma place? Non, pardon, bien sûr que non. Non, mais je voudrais qu'un jour on puisse écrire sur les femmes sans parler en premier de leurs cheveux. Je vais commander. Ce La Bruyère m'intéresse. Il me faut un appui au journal, face à Gued et toute sa clique. Le cri du peuple doit évoluer avec son temps. La Bruyère s'occuperait du service reportage. Il n'a pas de conviction politique, c'est parfait. Et puis, en cas de souci, il pourrait se battre en duel, à ma place. J'ai une proposition à vous faire. Vous aimeriez entrer au cri du peuple? Entrer? Faire des piges? Non, faire partie de la rédaction. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Mais c'est tout réfléchi. Ça se refuse pas. Quelques jours plus tard, Séverine et Georges de la Bruyère se rendent à la rédaction du Cri du Peuple. Les journalistes, installés autour d'une table, bavardent en lisant la presse du jour. Bien, tout le monde est là. Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau collaborateur, Georges de la Bruyère, chaleureusement recommandé par Séverine. Et jusque-là, spécialisé dans le théâtre. Passons à l'ordre du jour. La guerre au Tonkin et les récentes déclarations de Jules Ferry. Pardon, Gued, je peux dire un mot ? J'ai prévu quelques changements au journal. Dorénavant, La Bruyère s'occupera du service reportage. Il va y avoir plus d'images en une. Et chaque matin, Jules Jouy nous composera une chanson du jour. C'est bien. Pourquoi pas une rubrique moque pendant qu'on y est ? Lui, je vais le démolir. Voyons, messieurs, mais l'idée est excellente. En première page du Cri du Peuple, on chante la digue-digue-don. Juste à côté de l'article de Lucien, ça lui donnera l'air intelligent. Bon, messieurs, un peu de sérieux. Non, revenons à la guerre du Tonkin. Une guerre coloniale scandaleuse. Ils finiront par entendre raison. Ça va ? On dirait que vous avez vu un fantôme. Est-ce que je peux vous parler ? Venez. Je connais cet homme. Mais tout le monde connaît Gued. Non, le journaliste au fond de la salle. Chaston ? C'est comme ça qu'il se fait appeler. Il a fait un court passage à l'Écho de Paris. Quand on a découvert ce qu'il faisait, on l'a vite mis dehors. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il travaillait pour la préfecture de police. Un indicateur. Pire, un agitateur, un agent provocateur. C'est vrai que ces articles sont agressifs, hargneux. Moi, je mettais ça sur le compte de la jeunesse. Mais c'est à cause d'un de ces articles que les frères Balrich ont débarqué au journal. L'affaire Balrich ? Oui. Les deux hommes ont surgi un jour au journal, furieux d'un article qu'on avait publié. Et trois des nôtres ont été blessés. Et un des frères a été tué. Avec Vallès, on s'est plongé dans les anciens numéros pour essayer de comprendre. Et on est tombé sur un entrefilé signé de Chastain. Du journalisme dégoût, sale, dégradant. Il accusait les deux frères d'avoir joué un rôle dans la mort de leur propre mère. Résultat, ils ont vu rouge et ils ont débarqué. Complètement ivres et armés jusqu'aux dents. Mais vous n'aviez pas validé l'article de Chastain avant l'apparition ? J'étais tellement fatiguée. Je m'occupais de Vallès, je le soignais, je ne l'ai pas vu passer. Les autres n'ont rien vu non plus. Chastain, un indicateur de police. Il faut que je parle à Gued. Je viens avec vous. Georges, vous n'êtes pas le rédacteur en chef. Non, pardon, merci. Je réparerai ça toute seule. Voilà, Gued. Je vous ai raconté ce que je savais. Il faut que Chastain parte. Compliqué. Mais comment ça compliqué ? Vous imaginez ? Si on le licencie maintenant, on dira que le journal a courbé les chines devant la violence de l'État. Mais ce sont ces mensonges qui ont tué Vallès. Voyons, vous ne trouvez pas que c'est un peu mélodramatique ? Attendez, il doit y avoir un mouchoir. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, Gued, mais de rage. Après l'attaque des frères Balrich, la police a fouillé chez Vallès et il était malade et ils l'ont forcé à se lever. Ils ont déchiré ses draps. Pour l'instant, Chastain reste. À part ça, je valide tous les changements que vous avez demandés. Je vous ai convaincu ? Tout de même pas. Mais votre mari est l'investisseur principal du journal. Une dernière chose, Séverine. Il est encore temps pour vous de partir. Sachez-le, je ne ferai pas de quartier. C'est une menace, Gued. Un conseil. Gued a envoyé Chastain ? Pas encore. Mon Dieu ! Vous devriez peut-être rentrer chez vous. Mais je dois tout relire pour demain. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Rentrez, Georges. Mais je pourrais peut-être vous aider. Oui, d'accord. Merci. À la fin de l'année 1885, grâce aux lois Naquet sur le divorce, Séverine se marie enfin avec Adrien Guébard. En même temps, elle entame une liaison avec Georges de la Bruyère, lui qui partage sa passion pour le journalisme. Séverine est désormais une célébrité, mais cette célébrité a des revers. En 1886, l'Écho de Paris dévoile au grand jour la liaison de Séverine et La Bruyère avec force détails scabreux. Dès lors, Séverine quitte son mari et s'installe avec son amant. Mais c'est dans son journal que Séverine doit mener la bataille la plus rude. En janvier 1887, la rédaction se déchire autour de l'affaire Duval, du nom d'un pauvre air qui a volé puis tenté d'assassiner un grand patron. Or, Duval, qui a été condamné à mort, se réclame de l'anarchisme. Selon lui, il n'est pas un voleur, mais un volé et un révolutionnaire. Pour les anarchistes, Duval ne fait qu'appliquer la théorie de la reprise, en volant des biens afin de se réapproprier le fruit de son travail. Pour les partisans de Guède, en revanche, le crime de Duval est un acte crapuleux, sans lien avec l'action collective. Après avoir longuement réfléchi, Séverine prend le parti de Duval, mais elle appelle aussi les dirigeants socialistes à la responsabilité. Nous devons être prudents. Nous passons notre vie à dire aux humbles qu'ils sont volés, exploités, assassinés lentement. Nous attisons les colères, nous incendions les intelligences, nous embrasons les âmes. Mais je serai toujours avec les pauvres, malgré leurs fautes. Malgré leurs crimes. Bravo Séverine, Vallès aurait été fière. Vous êtes une vraie Flora Bristol. Tristan, Georges. Flora Tristan. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que vous ne mourrez pas comme elle. Épuisée à 40 ans. Je suis contente que mon article vous plaise, Georges. Mais je ne suis pas si sûre de moi. Vous imaginez si tout le monde se met à tuer son patron? Qui sait où ça pourrait finir? À votre avis, qu'est-ce que Vallès aurait dit? Je pense qu'il aurait défendu Duval contre une peine trop lourde. Alors remettez-vous à lui, et moi je me remettrai à vous. Vous partez? Oui, Guède m'a demandé de passer au journal pour une histoire de typo. En arrivant dans la salle de rédaction, Séverine découvre avec surprise l'équipe rassemblée au grand complet. Massard, Goulet, Duc Quercy. Chastan, lui, depuis a quitté le journal. En tête de table, Jules Guède. On ne peut pas cautionner les crimes de Duval. Jules Vallès se retournerait dans sa tombe s'il savait ce qu'était devenu son journal. Je ne savais pas que tout le monde serait là. Séverine, je n'ai pas été complètement honnête. Il n'y a pas d'erreur de typo. En réalité, nous sommes tous là pour dire au revoir. Au revoir? Mais qui s'en va? Vous, Séverine. Et vous allez nous manquer, n'est-ce pas, messieurs? Oui, absolument. Mais je ne vais nulle part. Mais si. Dans l'édition de demain, vous annoncez que vous quittez provisoirement le journal. Départ provisoire, qui deviendra ensuite définitif. On vous a préparé une petite bafouille de démission pour vous faciliter la tâche. Voilà. Tenez. Tout ce que vous avez à faire est de signer. Voilà bientôt 2 ans que je me suis attelée à une tâche très lourde. J'ai accompli mon devoir et défendu les pauvres gens. Aujourd'hui, je me sens lasse. J'emporte avec moi le nom de Vallès. Non, mais il est hors de question que je signe ça. Séverine, on ne peut pas continuer à s'entre-déchirer en public. Nous refusons de défendre Duval. Il a raison, Séverine. Ça devient absurde. On dirait que vous êtes entré en religion. Et moi, le christianisme, j'en ai assez soupé. Pas besoin de rajouter du duvalisme. De toute façon, ça a été voté à l'unanimité. Nous ne voulons plus travailler sous la direction de Notre-Dame des Larmes. Une vraie rébellion, Guède. Il m'en faudra bien plus pour quitter le journal. En effet. Comme par exemple de nouvelles révélations publiées par l'Écho. Après tous leurs mensonges, je ne vois pas ce qu'ils pourraient inventer de plus. Que vous êtes indicateur de police, vous aussi? Vous m'accusez de moucharder, Guède? Moi? Je n'accuse personne, c'est l'Écho. Ces ordures. Et personne dans cette salle ne croit à ces immondices, n'est-ce pas, messieurs? Et c'est donc vous, Guède, qui étiez à l'origine de tous ces ragots me concernant. Vous délirez, Séverine. Je ne vous laisserai pas le journal. Oh, si, vous me le laisserez. Il y a dans un village du Midi une femme âgée, malade, presque aveugle. Chaque jour, un enfant de 7 ans lui lit le journal. Imaginez s'il tombe sur ces ignominies. Mon fils. Vous enverriez ces ragots à mon fils? Pas de quartier. Je vous ai prévenu. Donnez-moi ce papier. Et voilà. Allez, on applaudit Séverine une dernière fois. Dès demain, une nouvelle ère s'ouvre au cri du peuple. On revient à l'essentiel, collectivisme et lutte des classes. Dehors, le vent froid souffle. Séverine erre sans but. Les passants se pressent de rentrer ou se précipitent dans les cafés et restaurants pour se réchauffer. Quelques rues plus loin, devant le théâtre du Gymnase dramatique, Séverine jette un coup d'œil sur l'affiche « Le demi-monde » d'Alexandre Dumas-fils. Perdue dans ses pensées, Séverine ne fait pas attention à un fiacre qui arrive à toute vitesse. Le cocher réussit à éviter de justesse la jeune femme, mais elle s'effondre sur le trottoir. Madame, madame, vous nous entendez ? Voilà, j'ai eu de la chance. Madame, madame, comment vous vous appelez ? Où est-ce que vous habitez ? Madame ? Faites la montée, je vais m'occuper d'elle. Lorsque Séverine revient à elle dans le fiacre, une jeune femme blonde d'une grande beauté la dévisage avec inquiétude. C'est Marguerite Durand, une comédienne réputée. Pensionnaire de la Comédie-Française, elle triomphe sur les plus grandes scènes de Paris et enflamme les cœurs. Je vous ai vue sur scène. Vous êtes Marguerite Durand, l'actrice. Au moins, votre mémoire est intacte. Je suis contente que vous alliez mieux. J'ai entendu le plus grand bien de votre pièce, Le demi-monde. Ce vieux machin, c'est très mauvais. Moi, je joue Marcel, une petite sotte. C'est effrayant. Je ne sais pas combien de temps encore je vais tenir. Mais vous pourriez faire autre chose ? Bien sûr, quelle question. Le théâtre m'a sauvée d'une vie morne au couvent. Mais j'ai bien d'autres dons. Au lieu de débiter les phrases des autres, je serais capable d'en écrire des bien meilleurs. Bon, peut-être pas aussi bien que vous. Vous savez qui je suis ? Je ne rate jamais un numéro du Cri du Peuple, Séverine. Ou du Figaro. Ou du Petit Journal. Dites-moi, comment avez-vous fait pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Où je suis ? Oui. Comme vous, mon métier m'a sauvée. À 16 ans, mon père m'a forcée à épouser un homme répugnant que je détestais. Et j'ai réussi à le quitter. Puis j'ai rencontré Jules Vallès. Et il a cru en moi. Et votre père, qu'a-t-il dit ? Oh, il a tout fait pour m'empêcher. Comment l'avez-vous convaincu ? J'ai tenté de me tuer. Classique. Le suicide est souvent la seule arme des femmes. Et grâce à Vallès, j'ai pu reprendre confiance. Il m'a encouragée à écrire mon premier article. Bon, c'était pas parfait, mais il m'a félicitée. Et maintenant, tout ça est fini. Fini ? Pourquoi fini ? Parce qu'il menace de s'en prendre à ma famille, à mon fils. Je préfère abandonner. Quand je vous disais que le suicide était la seule arme des femmes, vous devriez peut-être entrer au couvent. Pourquoi le couvent ? Quand j'y étais, les exemples à suivre étaient les résignées et les saintes. Allons, vous êtes une passionnée, vous. Et ce n'est pas simplement pour vous que vous luttez, Séverine. Mais pour toutes les femmes. Je ne suis pas vraiment féministe. Je ne vous demande pas d'être une féministe, mais de continuer à vous battre. Je ne veux plus qu'on dise que les femmes n'ont rien fait d'important. Vous êtes directrice d'un journal. Grâce à Jules Vallès. Non, grâce à vous seule. Vous voilà chez vous, Séverine. À moins que vous ne vouliez que je vous dépose au couvent. Non. Faites demi-tour. Déposez-moi au journal. Dans les locaux déserts du Cri du Peuple, Séverine frappe à la porte du bureau de Vallès. Gued vient ouvrir. Séverine. Séverine, vous avez oublié quelque chose ? J'ai changé d'avis, Gued. Je ne partirai pas. Et vous pouvez faire circuler toutes les rumeurs que vous souhaitez. C'est ce que nous verrons. En revanche, je préviendrai le public. Mon public, Gued. Celui qui m'est tout acquis et à qui je dirai la vérité, rien de plus. Dites toujours. Et il y a autre chose, j'ai reçu une lettre de Vallès. Vallès? Oui, il y a 2 ans. Malgré tout le respect que j'ai pour Jules, tout ça maintenant c'est de l'histoire ancienne. Au contraire, c'est on ne peut plus actuel. Jetez-y un coup d'œil, ça devrait vous intéresser. On y parle aussi de vous. Si ça vous amuse. Ma chère enfant, il ne faut pas laisser Gued prendre le journal. Il est capable de le tuer. Le journal n'est pas guédiste ou blanquiste ou anarchiste. Il est socialiste révolutionnaire. Cette lettre aussi pourrait se retrouver dans les colonnes de l'Écho de Paris. Vous vous servez de la mémoire de Jules Vallès? Pas de quartier, Gued. Qui pensez-vous que le public écoutera? Vallès ou vous? C'est trop tard, votre lettre de démission est en train d'être imprimée. J'expliquerai que c'est une erreur. Et autre chose, Gued. Je vais faire entrer au cri du peuple un représentant des socialistes modérés. Vous ne pouvez pas. Je ne vous l'autorise pas. D'après les statuts, j'en ai le droit. Sortez de mon bureau, Gued. Je vous ai sous-estimé, Séverine. Bravo. Je vous laisse le bureau et le journal. Mais à l'exception de la Bruyère, les autres me suivront. Un journal sans journaliste, ce ne sera rien qu'une coquille vide. Au revoir, Gued. Au revoir, Séverine. Et voilà l'hôtel Colbert. J'ai hâte de te montrer le journal. Tu sais, j'arrête le théâtre pour de bon. Je veux faire comme toi, devenir journaliste. Est-ce que tu pourras m'apprendre, comme Jules Vallès avant toi? Oui, Marguerite, je le ferai. J'ai un rêve, Séverine. Créer un journal uniquement fait par les femmes. J'ai déjà une idée de titre. La Fronde. La Fronde? Un beau titre. Tu vas y arriver. Tu as une telle énergie. Madame Séverine! Madame Séverine! Tu viens chercher des journaux? Non, dormir un peu. Il paraît que Gued est parti. Que c'est vous la patronne. Oui. Alors, bonne journée, Madame la directrice. Et voilà l'imprimerie, Marguerite. Le lendemain, Gued et ses amis quittent définitivement le cri du peuple. Dans le numéro du 17 mars 1887, paraît sous le titre du journal une nouvelle mention « Fondateur Jules Vallès, directrice Séverine ». L'équipe de rédaction est entièrement renouvelée, à l'exception de Georges de la Bruyère. Une semaine plus tard, Jules Gued et ses amis créent un nouveau journal « La Voix du Peuple » dont la principale raison d'être est de s'en prendre à la réputation de Séverine. La Voix du Peuple disparaîtra après seulement 6 semaines. La première fois que j'ai rencontré Jules Vallès, c'était dans un café à Bruxelles. Je n'avais jamais vu une telle rage, une telle soif de liberté. Dans la rue, on a entendu un tumulte de trombones et de cymbales. Vallès a demandé si on enterrait un ministre, et nous avons tous deux ri aux éclats. Ensemble, on a monté le cri du peuple. Je me souviendrai toujours de cette odeur de résine et d'encre fraîche qui flottait dans l'imprimerie. Quelle ivresse ! La même que lorsque j'ai vu pour la première fois mon nom en bas d'un article. Je suis seule maîtresse à bord maintenant. À bord d'un journal sans rédaction, où tout est à faire. Où tout est à reconstruire. Il faudra une nouvelle équipe. Adrien et la Bruyère m'aideront. D'autres viendront. Le cri continuera à rassembler toutes les voix de gauche, à faire vivre encore la voix de Vallès en défendant celle des plus démunis, et à faire vivre l'idée d'une république démocratique et sociale. Séverine ou le cri du peuple de Tadi McNamara, avec Séverine Manon Combe, Jules Guède Henri Alexandre, Georges de la Bruyère Romain Francisco, Marguerite Durand Alizée Coste, Massard Laurent Ferraro, Duc Quercy Mathias Guirbig, le crieur de rue Jules Garot, Bodin Antoine Baillet de Valaise, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Antoine Vieuxsa et Dofar Guéride, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on continue de parler de Séverine avec mes invités Laurence Ducoux-Solacaz et Sophie Mucianez. Drug Dealer, Pictures of You sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par David Le Prince, assisté de Frédéric Martin. Programmation musicale, Thierry Dupin. À la technique, Paola Collin. Sophie Mucianez et Laurence Ducoux-Solacaz, nous avons donc quitté Séverine en 1887. Elle est sortie vainqueur du violent bras de fer avec Jules Guède et elle dirige maintenant seule le Cri du Peuple. Alors dans ces conflits, il y a une double dimension, il me semble, hein, à la fois sexiste et politique. Effectivement, pour s'arrêter un petit peu sur la dimension politique, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que Séverine est très attachée à une pluralité et elle tient à ce que chacun puisse s'exprimer. Les différents courants du socialisme de l'époque. Voilà, tout à fait. Ça, c'est l'héritage de Jules Vallès, hein, qui, lui, était dans cette même optique et c'est ce qu'il a transmis à Séverine. Et ce qu'elle va supporter de moins en moins au Cri du Peuple, c'est que ben, certains courants socialistes ou anarchistes vont chercher à prendre le dessus et donc forcément au détriment des autres. Et c'est pour ça qu'en 1888, elle va quitter le Cri du Peuple. Et pour, je dirais, la dimension peut-être un peu plus les attaques qu'elle peut subir, c'est lié aussi, bien sûr, au fait qu'elle soit une femme dans un monde d'hommes. Mais elle va vraiment réussir à s'affirmer en tant que femme et elle ne renoncera jamais à la polémique. Elle a une plume très aiguisée. Oui, on entend qu'ils s'en prennent à sa réputation. Voilà, c'est une femme de mauvaise vie, finalement. C'est une forme de puritanisme un peu bizarre. En même temps, c'est, j'ai envie de dire, c'est une cible facile d'une certaine manière, parce qu'effectivement, c'est une femme qui est divorcée, qui se retrouve avec un autre homme, avec lequel elle va finir par se marier, et puis ensuite qui a un amant de façon tout à fait publique. Donc, les attaques de ce type sur la vie privée sont extrêmement fréquentes. À cette époque-là, sont encore aujourd'hui, oui. Bien évidemment, mais c'est d'autant plus manifeste que c'est une femme, justement, et effectivement, une femme se doit d'avoir une vie absolument exemplaire. Donc, elle est aussi, du point de vue de sa vie privée, très libre, finalement. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans ses opinions politiques, mais c'est aussi dans sa manière de vivre qu'elle affirme sa liberté, son indépendance en tant que femme, et qu'elle affirme aussi sa volonté de continuer coûte que coûte à exercer son métier de journalisme, qui semble, de façon assez évidente, avoir été vraiment sa ligne de force. C'est-à-dire que c'est par le journalisme qu'elle s'est affirmée. Ça, c'est manifeste. Donc, quand elle quitte le Cri du Peuple en 1888, elle va écrire dans plusieurs journaux, dans différents journaux. Elle va d'ailleurs se fourvoyer un peu sur des voies parfois dangereuses quand elle soutient, par exemple, le populisme du général Boulanger, auquel on a consacré une émission en novembre. Ou alors, quand elle écrit même dans la Libre Parole, le journal antisémite d'Edouard Drumont, là, c'est grave. Là. Tout à fait. Et effectivement, Séverine va défendre le général Boulanger. Hein. Elle a une certaine affection pour lui, on peut le dire. Il a une certaine aura auprès des anciens communards. Ouais. Bien sûr. Oui. Et c'est vrai qu'ils se rejoignent sur l'idée d'être en fait contre les parlementaires. Hein. Ça, c'est vraiment... Séverine défendra vraiment, sera contre les parlementaires pendant longtemps. Hein. Elle évoluera, mais pendant longtemps. Après, effectivement, elle écrit pour la Libre Parole de Drumont. Hein. Alors, ce qu'on peut dire la concernant, c'est qu'effectivement, elle ne tiendra jamais aucun propos antisémite. Au contraire. Oui. Au contraire. Elle fait même une interview du pape Léon XIII, dans laquelle elle demande à l'Église catholique de se prononcer de façon claire sur la question de l'antisémitisme. Et elle va même défendre les Juifs, bien avant tout le monde. Et puis ensuite, elle prendra aussi parti pour la réhabilitation. Voilà, pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Oui, elle va soutenir Zola dans son combat de Dreyfusard. Je vous propose d'écouter le témoignage du peintre Francis Jourdain, qui a connu Séverine dans sa jeunesse. Elle avait conquis une audience considérable, elle avait accès dans tous les grands journaux de l'époque, jusqu'à l'affaire Dreyfus. Je n'ai pas besoin de dire de quel côté Séverine avait tout de suite dirigé ses pas et aussi son combat. Aussi, quantité des portes qui lui avaient été jusqu'ici ouvertes lui furent fermées. Elle n'avait plus à sa disposition que quelques journaux où l'on payait difficilement ou même où l'on ne payait pas du tout. Séverine était une sentimentale et non pas une dogmatique. Elle a eu jadis, dans le Cri du Peuple qu'elle dirigeait, un petit conflit avec son ami Jules Guesd, et sur une question sur laquelle il n'était pas d'accord, Séverine a fait un article qui se terminait par ces mots « Avec les pauvres toujours, malgré leurs fautes, malgré leurs erreurs, malgré leurs crimes. » On ne peut pas mieux résumer son élan, ce qui a justifié tout son comportement généreux et courageux toute sa vie. C'était donc Francis Jourdain, un peintre de l'époque, interrogé sur Séverine. On est en 1955, donc pour célébrer le centenaire de la naissance de la journaliste, je voyais sourire. On entend là que Séverine donc a payé un certain prix son engagement de Dreyfusard, hein, puisqu'ensuite les portes des grands journaux se sont fermées à elle. Mais de la même manière que Zola a payé un lourd tribut. Ah bah oui, c'est exactement, de sa vie. Hein, oui, c'est exactement la même problématique. Mais de fait, après le deuxième procès, donc en réhabilitation de Dreyfus, Séverine va se voir fermer la porte d'un certain nombre de journaux. C'est compliqué aussi parce qu'on est au début du XXe siècle, hein, qu'elle est pacifiste en plus, et que la guerre de 14 va venir aussi mettre un coup d'arrêt à ce pacifisme, et c'est compliqué de vivre et d'exister à ce moment-là en tant que pacifiste, libertaire, féministe. Le combat des femmes pour le droit de vote est est bien amorcée en 1914. Il y a la grande manifestation pour le droit de vote à Paris. Et effectivement, la guerre de 14 vient entamer malheureusement ce mouvement féministe. Vous avez utilisé le mot de féminisme. On a entendu tout à l'heure Séverine qui disait qu'elle n'était pas féministe. Mais finalement, c'est un combat qu'elle va vraiment mener, qu'elle va faire sien. Effectivement. En fait, elle va mettre du temps à dire qu'elle est féministe. Elle écrit en 1919 un article dans l'Humanité qu'elle intitule « Mon féminisme ». Déjà, dire « mon féminisme », ça veut dire que c'est pas le féminisme. Il y avait déjà des divergences. Voilà, il y avait déjà des divergences, mais il y en a toujours eu. Et effectivement, Séverine, au début, elle a toujours du mal à se ranger du côté sous une chapelle. Donc, oui, elle veut toujours garder son indépendance de pensée. Voilà, tout à fait. Et en plus, une des grandes revendications des féministes à cette époque-là, c'est quand même le droit de vote. Or, on a dit qu'elle était anarchiste, libertaire, donc le droit de vote, c'est vraiment pas son problème. Mais elle dira aussi, dans son article de 1919, que de toute façon, sa vie entière est là pour témoigner qu'elle est féministe. Et elle mènera effectivement ce grand combat là, à la veille de la guerre, de la Première Guerre mondiale, où il y a une campagne dans le journal qui s'appelle « Je désire voter » qui se terminera par donc cette grande manifestation du 5 juillet 1914 pour fleurir la statue de Condorcet. Oui, Condorcet qui était donc un révolutionnaire de la Révolution française, qui était un des premiers à parler d'égalité homme-femme. Par ailleurs, elle va aussi écrire un certain nombre d'articles justement pour défendre les droits des femmes, que ce soit la question du droit à l'avortement, qu'elle défend dès la fin du 19e siècle, donc à une époque où c'est quand même extrêmement en avance sur son temps. Elle parle aussi, il y a un article qui s'appelle « Tueur de femmes » dans lequel elle aborde la question de ce que nous avons appelé aujourd'hui les féminicides, donc justement en mettant bien en évidence le fait que ce ne sont pas des crimes passionnels. Et quand elle écrit pour les femmes, je pense que ça va toujours dans l'optique de sa défense des plus faibles, en fait. C'est-à-dire oui, c'est que ça, parmi son... les plus faibles, les femmes sont encore plus faibles que les plus faibles. Oui, c'est son avec combat les pour les humbles. Ouais. Oui, c'est son combat pour les humbles et pour ceux qui sont persécutés. Et politiquement, comment elle va évoluer? Enfin, entre, il y a quand même la révolution russe, 1917, elle entre alors, la SFIO, voilà, et puis il y a plusieurs choses, parce qu'elle va participer à la fondation de la Ligue des droits de l'homme, quand même, suite à l'affaire Dreyfus, donc ça c'est pas rien. Elle restera fidèle à la LDH jusqu'à sa mort, mais elle sera séduite par la révolution russe. Elle adhère au Parti communiste, elle écrit pour l'Humanité, mais quand il faut choisir entre le Parti communiste et la Ligue des droits de l'homme, elle n'hésite pas, elle choisit la Ligue des droits de l'homme. Elle termine sa vie dans sa chère maison de Pierrefonds dans l'Oise et elle dit « J'ai travaillé beaucoup et je n'ai jamais été riche. C'est peut-être notre opulence à nous que la fraîcheur éternelle de la sensation et la saveur des rares instants de liberté. » C'est joli, non ? Oui, elle n'a jamais été riche, mais quand on connaît, nous on travaille donc sur sa maison à Pierrefonds, elle a pu, grâce à l'argent qu'elle a gagné, avoir une maison avec du terrain, donc vraiment avoir une vie quand même relativement aisée. C'est un lieu qu'on peut visiter ? Alors absolument pas, c'est une maison qui appartient à une propriétaire, c'est une maison qui est une lignée de femmes propriétaires, ce qui est assez intéressant en soi aussi. Par contre, c'est une maison qui est intéressante en termes d'histoire parce que elle a été rachetée par Marguerite Durand qui en a fait la fameuse résidence d'été pour les femmes journalistes. Merci beaucoup Laurence Ducousseau-Lacaze et Sophie Mucianès. Je rappelle que vous avez créé l'association des Amis de Séverine et pour en savoir plus sur cette femme, je recommande la lecture donc de L'Insurgé, un recueil de ses articles qui est sorti aux éditions L'Échappée en 2022 et bien sûr la biographie de Paul Couturiot, Séverine l'Insurgé, publiée en 2001 aux éditions du Rocher. Et à voir actuellement une belle exposition, Parisienne citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes, 1789-2000, au musée Carnavalet Histoire de Paris, à voir donc jusqu'au 29 janvier 2023. Voilà, Autant n'importe l'histoire est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons sous la Révolution française, assister à la chute inexorable de celui qui fut pourtant l'un de ses plus valeureux initiateurs et brillants orateurs, Georges Danton, en 1794. Accusé de trahison par Robespierre et Saint-Just, il sera condamné à mort et guillotiné avec son ami Camille Desmoulins. La chute de Danton, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.